Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des Lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Et c'est le moment pour vous de découvrir un second épisode consacré à la salle d'attente de Carmen Ritz. J'ai commencé, vous savez, à vous faire une première lecture. Petit rappel, la salle d'attente nous raconte l'histoire de Gwendoline, qui est une jeune femme de 20 ans qui vient tout juste de débarquer dans une petite ville à côté de La Rochelle en tant qu'éducatrice pour enfants sourds et muets pour la DAS. Sauf que voilà, elle découvre l'existence du bordel de Madame Olympe et du moment où elle découvre l'existence de ce bordel, elle n'a qu'une obsession, pouvoir travailler dans ce bordel et pouvoir expérimenter le fantasme de la prostitution. Elle a très envie de sexe brut, de sexe monnayé. Elle a très envie qu'un homme paye pour elle. C'est ce qui la fait jouir. Alors, vous avez découvert un premier extrait. C'était sa toute première passe dans le bordel. Voici un second extrait. J'aime beaucoup ce passage. J'en avais fait un petit extrait exclusif pour mes chers Patreons, sauf que c'était un essai avec des coups de pioche, tout ça. Bref, le son n'était pas terrible, je trouve. Et là, j'ai envie de faire qu'il y ait une belle prise de son pour cet extrait parce que je le trouve très intéressant, à la fois excitant et à la fois intéressant sur ce que ça raconte de « il y a le fantasme et il y a la réalité » et à quoi est ramenée Gwendoline dans cette réalité de prostitution et... Oui, il y a le fantasme, il y a l'excitation, mais il y a aussi l'autre partie, à savoir, et oui, tu es un objet qu'on monnaie, il faut le savoir. Allez, j'arrête de blablater. Pour celles et ceux qui veulent rejoindre mon Patreon, parce qu'il y a des petites exclusivités, rien que pour eux, vous pouvez le faire. Vous avez le lien sur mon site charlie-liveshow.com ou directement sur Patreon, patreon.com/charlieliveshow. C'est parti, voici donc un second extrait de La salle d'attente de Carmen Ritz, un roman porno publié aux éditions Media Mill dans la collection Les érotiques d'Esparbeck. C'est le chapitre 9. Mesdames, salon s'il vous plaît. Fume-cigarette et pieds cambrés dans le soulier verni, la patronne s'est profilée dans l'embrasure de la porte, vivante statue de l'éternel féminin. Il paraît qu'elle a demandé à être mise en terre avec sa trousse à maquillage, m'a soufflé Coco en rajustant un barésie dans une jartelle copieusement garnie de rubans pourpres. Tu peux rester à ton ouvrage, Coco, je n'ai pas besoin de toi. Et pourquoi ça, madame? À la pensée du gain possible qui se dérobait, celle qu'Antoine qualifiait de jument de brasserie ruait dans les brancards. Parce qu'il s'agit d'un homme de couleur. Ah, bon, mais de quelle couleur? Olympe ne le précisa pas, mais ses mots firent l'effet d'une douche glacée sur la rouquine qui reprit sa layette. Olympe n'était pas raciste, pas dans le sens courant du terme. Elle avait trop pratiqué les hommes pour ignorer que, très capable de s'égorger pour une bannière, quand les drapeaux sont déployés, l'intelligence souffle dans la trompette, citait-elle volontiers. Au lit, ils se ressemblent tous. En conséquence, elle divisait les mâles en deux catégories, ceux qui avaient de l'argent et ceux qui n'en avaient pas. Pour la couleur de l'épiderme, c'était le même topo. Il y avait les blancs et les autres. Tous les autres, rassemblés sous le terme générique « homme de couleur ». Par ailleurs, elle n'était pas affectée de la cruauté dont beaucoup de maquerelles se font une marque de fabrique. Dans la mesure du possible, Olympe respectait les dégoûts de ses filles, quitte à exploiter des penchants qu'elle-même ne soupçonnait pas. Pour Coco, c'eût été un drame de faire l'amour avec un noir, un arabe ou un asiatique. Pour le coup, elle aurait vraiment eu le sentiment de tromper son mari. Karine n'admettait aucune pratique sadomasochiste, et Nathalie, qui se masquait de lunettes noires, s'enfoulardait comme une musulmane avant de s'engager dans la rue des visitandines, rejetait sans appel les rendez-vous hors de la maison. En revanche, Coco et Karine acceptaient de pisser sur les amateurs, et il y en a plus qu'on ne le pense. Si Fanny refusait les simulacres de baise entre filles, elle acceptait tout le reste. Gila, peu sensuelle, autant que je pouvais en juger, n'avait aucun tabou. Son expérience de mannequin nu lui avait inoculé un tel mépris de son corps qu'elle le prêtait à tout avec une égale indifférence. Et moi, j'étais prête à goûter à tout. Cette manière de gouverner son gynécée n'était pas, je crois, mansuétude de la part d'Olympe. J'y voyais plutôt un système rodé par l'expérience, une connaissance profonde de l'âme humaine. Le bordel de la rue des Visitandines était connu jusqu'à Paris pour la qualité des services que l'amateur le plus exigeant pouvait y trouver. Bien qu'il ne figurât pas dans le Michelin, sa propriétaire était soucieuse de son renom autant qu'un chef étoilé. Contraindre une fille, elle ne pourrait que saboter la besogne, et ça, madame ne le supportait pas. En cette fin d'après-midi tourmentée de vent et de pluie, nous ne fûmes donc que trois à franchir la porte du salon du choix. Du fauteuil bas où il était assis, un homme à peau noire, costume gris, a suivi avec attention notre balai de mise en place. « Fanny !» annonçait Olympe, sa main aux ongles carmin reposant sur l'épaule de l'intéressé. « Liane, une blonde naturelle, c'est assez rare pour être soulignée, et Félix, notre Benjamine. » « Est-ce également une vraie blonde ?» Une voix profonde, un léger accent anglais. Rengorgée à la façon d'une vieille poule, la patronne a admis que nous avions un peu aidé la nature. « Mais si peu, vous allez en juger. Félix » a-t-elle repris en se glissant dans mon dos. « Montre ton sexe à monsieur. Quoi » « Quoi ?» Depuis que je jouais à la putain, j'avais entendu pas mal de demandes saugrenues, mais celles-là les enfonçaient toutes. En détournant la tête, j'ai murmuré que c'était hors de question. « Allons, ne nous fais pas attendre, je te prie. » Entre les cils raides de mascara, son regard durci m'a averti qu'elle ne plaisantait pas. Naïvement, je m'étais cru libre de mes choix. J'ai réalisé que tous avaient été pilotés par Olympe, un noviciat si habilement mené que je n'en avais pas senti le joug. L'apprentissage terminé, le temps semblait venu d'admettre qu'une pute n'est qu'une marchandise, de la viande sur pied dont le client est en droit de vérifier la fraîcheur. Pour Fanny, c'eût été une formalité d'écarter les pans du kimono pour offrir au regard son triangle d'astrakan. Gila, qui portait une jupe au ras du bonbon, aurait eu un haussement d'épaule fataliste en se troussant, mais moi, je demeurais tête basse, les muscles verrouillés dans le refus. Travailler chez Olympe m'avait permis de me réconcilier avec mon corps, plus précisément avec mes seins, que je ne vouais plus aux gémonies à cause de leur volume. Désormais, je goûtais certaines formes d'exhibition, mais il y avait de la marge entre dévoiler mon intimité en privé et le faire en présence de la patronne, des filles, au profit d'un homme qui souriait en détaillant mes souliers rouges à rubans de satin, mes bas gris, la courte robe dont le jersey du même rouge sourd que les chaussures me faisait une seconde peau. « Nous t'attendons !» Une claque sur le derrière m'a fait l'effet d'un électrochoc. Vaincue, j'ai amassé les plis de ma robe autour de ma taille, glissé une main dans le slip de dentelle d'où débordaient mes longs poils châtains. Une ultime hésitation, dompté par un regard en coup de fusil de la patronne. Dans un glissement soyeux, la culotte s'est posée sur mes pieds. Ensuite, détournant les yeux de ma touffe moirée de reflets dorés, j'ai coulé un regard dans la direction de mes camarades. Chic fille, les yeux rivés sur la ligne bleue des Vosges, elle montrait des profils farouchement discrets. « Je ne distingue pas grand-chose. Quel culot, quelle mauvaise foi !» De nouveau, j'ai dû me faire violence pour ne pas quitter les lieux sur le claquement de porte qui aurait soulagé mes nerfs et mon orgueil malmené. « Avance !» a couiné Olympe avec un geste qui congédiait mes camarades. « Creuse tes reins, cuisses écartées. Ma parole, t'as la taille vissée aujourd'hui. Ah, quand même !» À présent que ma chatte se trouvait à 20 cm de la tête de l'homme, j'éprouvais une sensation des plus bizarres. Honte et colère se mêlaient au plaisir neuf de la soumission. « Est-ce que vous y voyez bien, monsieur ?»« Pas vraiment. Vous savez, je suis très sensible aux belles vulves. Autant si ce n'est plus qu'aux jolies poitrines. » Avec son rire flûté de vieille roublarde, Olympe s'est dirigée vers le secrétaire, d'où elle a tiré une torche digne d'un gardien de chantier. « Tenez !» Est-ce qu'ils allaient se foutre longtemps de ma gueule ? Mais alors qu'un jet de lumière chaude pénétrait mon vagin, le désir a creusé brutalement le visage du client. Soudain, tout redevenait jeu. L'envie m'est venue de lui faire plaisir. Ce n'était peut-être que de la vanité, celle d'exhiber une chatte dont je ne me lassais pas d'expérimenter le pouvoir. Sans attendre un ordre nouveau, j'ai plié les genoux, tiré sur mes poils pour bien exposer la vulve. Du majeur, j'ai lissé les petites lèvres, dégagé le clitoris qui se dressait déjà. Est-il besoin de préciser qu'Olympe orientait le rayon lumineux dans le bon sens ? L'homme s'est encore approché. Son haleine a refroidi ma chair humide. À longs traits, il aspirait une odeur où la honte apportait sa note poivrée. Mes jarrets pliés devenaient douloureux. De la sueur coulait de mes aisselles. J'allais demander grâce lorsque le verdict est tombé. « Je vote pour le buisson ardent. Et je peux vous assurer que vous ne le regretterez pas. » J'ai lancé un regard noir en direction d'Olympe, mais ma rancœur a fondu dans un échange de sourires complices. C'est madame elle-même qui nous a guidés jusqu'au cabinet de glace, une pièce qui se piquait de reproduire à l'identique le cabinet 17e qui avait ébloui sa mère au temps lointain d'une visite à l'hôtel de Soubise. Entre des lambris noircis, les miroirs étaient avelés comme des mains de vieillard, mais cette installation remplissait encore son office, reflétée en les multipliant nos jeux libertins. Un lit à baldaquin occupait les trois quarts d'un mur. Deux fauteuils de style Louis XIII, tendus de satin cerise, flanquaient un guéridon aux pieds chantournés. Dans la pénombre d'une alcôve, on distinguait un sofa, une table qui, selon le client, se chargeait ou non de bouteilles et de coupes. Les tapis, qui ne laissaient voir que quelques voliges, restaient doux aux pieds nus, en dépit de l'usure infligée par des milliers de semelles et presque autant de brûlures de cigarettes. Ultime raffinement de ce décor grand siècle revu par Hollywood, des cariatides brandissaient des torchères qui teignaient le plafond d'écarlate. La porte refermée, le client a considéré les lieux avec un sourire amusé. Une mallette de cuir se balançait au bout de ses doigts. Intrigué, j'ai demandé s'il voulait que je l'en débarrasse. « Merci, ce guéridon fera l'affaire. Mon prénom est Solomon. Solo pour les amis. Et toi ?»« Félice. Alors à poil, Félice. » Carré dans l'un des faux Louis XIII, il me détaillait avec l'ironie légère qu'il affectait depuis le début. En dégrafant mon soutien-gorge, j'ai demandé de quel pays d'Afrique il était originaire. Un rire bref. Il avait vu le jour dans le Bronx, 35 ans auparavant. Le Bronx ? À New York ? Je n'en connais pas d'autre. Dans la pénombre du salon du choix, sa peau m'avait paru très sombre. Dans cette pièce mieux éclairée, elle se révélait d'une belle teinte caramel. En fait, avec ses épaules XXL, la moustache qui descendait sur le menton pour dessiner un de ces minces boucs dont la mode commençait à se répandre, Solo avait l'allure de ce qu'il était, un afro-américain. Dire qu'à cause du costume bien coupé, de la mallette et d'une assurance qui en imposait en douceur, je l'avais imaginé dans la diplomatie. « Alors, vous n'êtes pas ambassadeur ? » ai-je risqué d'un ton penaud. « Mon Dieu, non ! J'espère que ça ne te déçoit pas trop » a-t-il prononcé en claquant des doigts pour m'inviter à abandonner mon slip. Comme je m'apprêtais à rouler mes bas, il m'a dit de les garder, ainsi que mes chaussures, puis de venir m'agenouiller entre ses cuisses. L'ordre qui a suivi ma prise de cour, le déshabiller sans utiliser mes mains. « Et pour que tu ne triches pas !» Les serrures de la mallette ont claqué. Quelques secondes plus tard, poignet lié sur les reins par une cordelette de velours et jarret tremblant, je me haussais pour planter mes dents dans un des revers de la veste. Comme je bataillais avec le vêtement, ma langue a rencontré une étroite bande d'épiderme. Il en émanait un parfum de piment et de pain d'épices. Cette senteur a ranimé mon courage, autant liquider au plus vite cette tâche déplaisante. Mes efforts furent récompensés par la chute du pantalon sur les souliers qui réfractaient la lumière. Hélas, je n'étais pas quitte encore. Alors que je tentais un rétablissement, l'ordre est venu de lui enlever ses chaussures et ses chaussettes. Une interminable minute. Ses yeux d'oiseau de nuit ont lutté avec mes yeux trop clairs. Le goût du cuir mouillé a envahi ma bouche. Quand je me suis redressée, ma mâchoire était endolorie. Les miroirs montraient un visage mécontent, barbouillé de rouge à lèvres. Solo, qui n'avait plus sur le corps qu'une chemise d'un bleu fragile, un slip noir, gonflé par une queue qui bandait sous un élastique estampillé Calvin Klein, me considérait avec ce sourire dont l'ironie commençait à m'énerver. « J'ai envie de pimenter le jeu !» Sa main a disparu à l'intérieur de la mallette. Quand il a rouvert les doigts, j'ai vu deux petits objets qui brillaient d'un éclat métallique. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des pinces à seins !»« Des pinces à seins ?» Stupéfaite, je les ai détaillées, le corps raidi dans le refus d'une souffrance imbécile. « Ce ne sont que de petites, petites, toutes petites pinces. Tu vas adorer. » « Pas sûr. » J'ai quand même accepté qu'il étire un de mes tétons, effrayé de voir les petites mâchoires d'acier se refermer sur ma chair. La sensation était odieuse. J'ai dû mobiliser toute ma volonté pour ne pas grimacer lorsqu'il a placé la seconde pince. M'efforçant de zapper la souffrance, j'ai attaqué les boutons de la chemise. Le premier a cédé gentiment, mais les suivants, plus vicieux, m'ont contrainte à des contorsions qui m'envoyaient des traits de feu dans la poitrine. Enfin, j'ai pu mordre l'élastique du slip, libérer la bite et les couilles. Bon prince, Solo voulut bien décoller ses fesses du fauteuil, lever ses jambes. Le slip a volé à travers la chambre, terminé sa course sur les boucles de bronze d'une femme copiée de Mayol. « Si tu lèches mes pieds, je te permettrai de me bouffer les couilles et la pine. » Mon semblant de révolte a vite été maté par les yeux où couvait la flamme à laquelle je m'étais déjà soumise. Timidement, j'ai effleuré les orteils, léché sans dégoût mais sans ardeur. Au-dessus des couilles crispées, la bite avait un faible mouvement de métronome. Le gland décaloté était d'une étrange couleur violâtre. Quel goût pouvait-il bien avoir ? J'ai avancé la langue, mais du bout de son pied, il m'a repoussé d'une chiquenaude sur chacun de mes seins. J'ai crié, ce qui a paru le surprendre. « Désolé, je ne voulais pas te faire de mal. » En me saisissant sous les bras, il m'a réinstallé sur ses cuisses. « Je vais te libérer. » Quelques gestes rapides, précis. Les maudits engins ont réintégré la mallette d'où ils n'auraient jamais dû sortir. Les yeux sur mes bouts de seins écrasés, je tentais de conjurer la douleur avec le halètement canin des femmes qui accouchent. « C'est le sang qui reflue, ça va passer !» Un claquement de doigts m'a remise à genoux. Mes mains ont pressé des couilles dures comme des balles de golf, brûlantes et couvertes d'un duvet de frisure. Le gland nettoyé, j'ai tenté d'engloutir une queue dont le bout a rapidement buté contre ma luette. Suffoqué, je me suis dégagée pour permettre à l'air de revenir dans mes poumons. La verge de Solo était appétissante, sucrée, poivrée comme sa peau. J'aurais aimé la dévorer toute dans un lent va-et-vient, mais secouée de spasmes, j'ai été contrainte de déclarer forfait. « Préservatif !» J'ai tâtonné dans une des coupes que la bonne réapprovisionnait chaque jour en passant le plumeau. L'emballage déchiré, j'ai déroulé la capote sur le sexe luisant de salive, impatiente de le sentir dans mon vagin. « Je vais prendre ton cul !» Cette partie de mon anatomie était intacte, enfin presque. Au cours d'une de nos sorties hebdomadaires, Antoine avait bien tenté de me sodomiser, mais soit qu'il eût trop mangé, trop bu ou fait l'impasse sur son Viagra, sa verge n'avait pas pu franchir l'anus. À mi-voix, j'ai confessé ma virginité. Cet aveu a ravivé la flamme dans les yeux noirs, découvert les dents dans un sourire carnassier. Quelque peu inquiète par ce qui allait suivre, j'ai pris appui sur ses épaules, fesses soulevées, pour lui permettre de me baiser comme il le voulait. Son pouce a pénétré mon rectum, joué avec l'anus pour le distendre. Un plaisir coupable me pénétrait doucement quand une poussée du gland m'a arraché un cri. Chut ! Des doigts habiles ont caressé ma vulve, fouillé ma touffe pour dégager le clitoris. Un ardent besoin de jouir serrait ma gorge, emplissait mon ventre d'une sorte de brouillard chaud, me faisant oublier le tremblement de mes jambes. Cette façon de me prendre en m'asseyant sur son pâle était délicieusement perverse. Écartelé, déchiré, pénétré droit et profond, j'acceptais une douleur dont je raffolais déjà. Haletante, j'ai demandé qu'il me branle, mais il m'a ordonné de la fermer. C'était à lui, et lui seul, de décider de mon plaisir et du sien. Je me suis mordu les lèvres, vexé d'avoir quémandé en vain. Dans les profondeurs des miroirs, une femme inconnue, les pommettes meurtries et les cheveux soufflés par le vent du désir, me jetait des regards de forcené. Des images sans cohérence ont glissé sous mes paupières. Une matraque, noire, la bouche de cristal resserrée sur ses déceptions, les yeux opaques du chef de gare, l'expression d'Antoine quand il se redressait après m'avoir léché. Aux ondes annonciatrices de l'orgasme, je ne refusais pas le concours du cabinet de glace, fasciné par le spectacle de la verge coulissant entre mes fesses laiteuses. La frêle barrière du préservatif ne m'empêchait pas d'en sentir les crispations. « Yeah !» Il a jeté son cri rauque dans une ultime poussée du bas-ventre. Le sperme a jailli. Un cœur affolé cognait contre le mien. L'orgasme m'accueillit. Un plaisir aux dents aiguës de bébé chien. La porte ouverte de la salle de bain laissait passer des bruits d'ablutions énergiques. Pelotonné sous le baldaquin, je sirotais le chocolat que la servante avait apporté avec le whisky de Solo. Lorsqu'il est revenu dans la chambre, nu, les cheveux emperlés, j'ai lâché un sifflement silencieux. C'était vraiment un bel homme, le genre de spécimen que l'on ne croise pas à tous les coins de rue. J'hésitais à lui confier le numéro de mon portable, initiative strictement prohibée. Quand il a prononcé « Tu me plais ?»« Je ne suis pas ambassadeur, mais sportif. » De haut niveau, j'ai mal précisé. Basketball. Je vis dans la région parisienne depuis 5 ans, a-t-il poursuivi en attrapant le slip qui coiffait la tête en bronze. J'ai entraîné une équipe de première division, mais un club de La Rochelle m'a fait une proposition à considérer. Si je signe, nous aurons l'occasion de nous revoir. Tu as envie que l'on se revoie? Oui. Mais je doutais qu'un club de La Rochelle ait les moyens de s'offrir les services d'un entraîneur aussi classieux. J'étais à peu près certaine de ne jamais le revoir. Et en effet, jamais je ne le revis. Voilà, c'était donc un second extrait du roman porno de Carmen Ritz, La salle d'attente, publié aux éditions Média 1000 dans la collection Les érotiques d'Espar Beck, évidemment. Alors, si vous voulez plus d'infos sur le bouquin et puis aussi le lien pour pouvoir vous l'acheter, ça se commande en librairie. Hein. Il ne faut pas oublier que on peut commander n'importe quel bouquin dans sa librairie. Après, ça vous permet de vous jauger. Est-ce que vous assumez de commander un bouquin érotique ou pas? Je vous rappelle qu'en lisant de la littérature érotique, on ne fait rien de mal, bien au contraire. Mais à voir à chacun de vous de voir où il en est de sa petite morale. Est-ce que c'est un peu plus assumé ou pas? Il n'y a ni bien ni mal, ça permet juste de jauger. Sinon, ça s'achète en ligne, sur, notamment sur le site de La Musardine, les éditions La Musardine. Je vous mets le lien sur mon site, sur l'article qui présente cette lecture. Donc, je vous redonne l'adresse de mon site, évidemment, charlie-liveshow.com. Et puis, bah, sur mon site, vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre mon Patreon. Patreon, c'est le meilleur moyen de me dire que vous aimez ce podcast de lecture érotique et que vous le voulez le soutenir. C'est un moyen de me dire merci, de m'encourager, et d'ailleurs j'apprécie et je remercie toutes celles et ceux qui me soutiennent déjà sur Patreon. Plus il y aura de monde, plus ça va me permettre de dégager du temps pour vous faire encore plus de lecture. Pour les coquins qui m'ont rejoint sur Patreon d'ailleurs, Ils ont les lectures en avant-première. Et oui, ils l'ont découvert avant vous, je suis navrée. Et ils ont aussi quelques bonus, ils ont des bonus exclusifs réservés au Patreon. Patreon.com/charlielifeshow, sinon sur la totalité de mon site, charlie-lifeshow.com, vous retrouvez le lien, bien évidemment. Eh bien, écoutez, cette lecture érotique est terminée. C'était les deux extraits que j'avais envie de vous présenter j'avais envie de vous lire pour vous présenter le roman de Carmen Ritz, La salle d'attente. Un roman qui parle d'un sujet souvent tabou, à savoir la prostitution. C'est ce que je vous disais déjà la dernière fois. Quel est, vous, votre rapport à la prostitution ? Comme je le disais, pour moi, c'est un métier comme un autre, c'est même un métier d'utilité publique, parce que c'est pas que du vidage de couilles, je vous assure, on le sent dans ce bouquin, et on le sent aussi dans plein de témoignages de prostituées, et d'ailleurs, je vous conseille, il y a un bouquin qui est très intéressant, qui s'appelle TDS, de Tan Polyvalence. Malheureusement, j'ai pas encore eu de partenariat pour pouvoir vous en lire des extraits, mais si l'occasion se présente, je le ferai avec plaisir. Écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Je pense que la prochaine lecture va être consacrée à un petit bouquin de Perle Valens, et dedans il est question de sexe et de gourmandise, de sexe et de cuisine. Moi, quand elle m'a proposé ça, j'ai dit un grand oui. Je suis très gourmande de sexe et de bonne cuisine. Alors, comment dans l'écriture elle a rassemblé les deux, j'ai hâte de découvrir ça. Ça sera la prochaine lecture érotique. En attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous, on n'a qu'une vie. Des bisous. Ciao.